Bonsoir Marie-Hélène, 19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Septembre 2008, au cœur du Triangle d'Or, avenue Montaigne, jouxtant le Plaza Athénée, se déroule une étrange scène en sous-sol. Assis au fond d'une salle, j'observe le défilé d'objets, celui de sommes vertigineuses. Marchands, acheteurs, commissaires-priseurs se pressent autour des adjudications qui s'enchaînent. Bienvenue à Douro-Montaigne. Après saisie du ministère de la Justice sur commission rogatoire de la doyenne des juges d'instruction de Paris, à la demande de l'État du Mexique, 77 objets de cette vente viennent d'être saisis par un représentant de l'État. Cet événement, somme toute exceptionnel, marque-t-il une date, un tournant sur le marché de l'art précolombien? On sait l'importance de certains marchés illicites, des trafics et pillages de sites archéologiques, la responsabilité des pays industrialisés de certaines grandes places dont Londres ou Paris. Pour comprendre l'archéologie et les trafics de cet art précolombien si convoité, André Delpuech, bonjour. Bonjour. Conservateur général du patrimoine, vous êtes aujourd'hui responsable des collections des Amériques du musée du Quai Branly, récemment rebaptisé Jacques Chirac. Archéologue, j'ai aussi en mémoire vos fouilles Caraïbes, nous en reparlerons. André Delpuech, pour mieux lancer l'enquête, découvrir d'éventuels coupables, entrevoir mobile et crime, ma première question ne sera pas alibi. Le 12 septembre 2008, le marteau tombe, quand une voix s'élève. Sur réserve de l'exercice du droit de préemption de l'État, s'ensuit un étonnant brouhaha. André Delpuech, que faisiez-vous à 16h ce lundi 22 septembre ? Eh bien, ce jour-là, j'étais à Douro-Montaigne, effectivement, représentant le musée du Quai Branly, pour préempter, c'est-à-dire en quelque sorte acheter deux objets précolombiens convoités par le musée. Et donc la règle de préemption fait que au moment où le marteau tombe, si je dispose dans mon escarcelle de suffisamment d'argent, c'est-à-dire si le musée m'a doté entre guillemets de suffisamment d'argent, je peux préempter, c'est-à-dire acheter la pièce au niveau de la dernière enchère. Donc l'achat de deux objets, bien sûr pour l'État français, peut-être aussi un peu d'émotion ? Oui, c'était un peu d'émotion. D'abord, c'était deux objets qui m'importaient, c'était deux pièces Taïno. Les Taïno sont les peuples amérindiens qui vivaient dans les grandes Antilles à l'arrivée de Christophe Colomb. Et ces deux spatules Taïno ont une longue histoire. Elles servaient d'abord, il faut l'expliquer, aux chamans de ce peuple, pour se faire vomir, ça peut paraître étrange, avant d'inhaler des substances hallucinogènes dans un rituel qu'on appelle le rituel de la Kooba, qui permettait donc à ces prêtres, en quelque sorte, d'entrer en contact avec les esprits. Donc ces pièces exceptionnelles, rarissimes, nous souhaitions les acheter, elles avaient un pédigré, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire que on les suivait depuis plus d'un siècle. Elles avaient été découvertes il y a plus de 100 ans en République dominicaine par un archéologue américain. Les Taïno, avec une grande exposition, il y a déjà bien longtemps, les Taïno si aimés par un ancien président de la République ? Absolument, il faut se rappeler qu'en 1994, un petit peu dans l'élan des célébrations souvent contestées de ce qu'on a pu appeler à tort la découverte de Christophe Colomb, la découverte de l'Amérique, Jacques Chirac avait pris un peu le contre-pied, non pas de parler de Christophe Colomb, mais de faire une exposition sur les premiers Amérindiens, les premiers Américains finalement rencontrés par l'Ancien Monde, qui eux vivaient là depuis des milliers d'années, qu'on appelait les Taïno, qui vivaient dans les actuels pays de Cuba, Haïti, République Dominicaine ou de Porto Rico. Comment s'est soldée la saisie? Ces 77 objets ont-ils été restitués au Mexique ou tout au contraire? Alors, cette vente était effectivement au-delà de l'acquisition par le Quai Branly, mais qui s'est faite un peu dans une ambiance surréaliste. Il faut dire que sur les 100 ou 120 objets qui devaient être vendus initialement, les deux tiers venaient du Mexique, donc des grandes civilisations précolombiennes du Mexique que l'on connaît bien, Maya, Aztèque et j'en passe. Et l'État mexicain, par le biais de l'ambassade, avait fait faire une saisie conservatoire par la justice française sous arguant que ces pièces étaient sorties clandestinement, illicitement du Mexique. Donc, c'était un peu la panique à bord, si je puis dire, chez les commissaires priseurs, puisque la vente était littéralement décapitée de ces pièces et l'ambiance était assez électrique, il faut bien le dire. La saisie avait eu lieu avant ? La saisie a eu lieu le matin même. Donc, il faut imaginer la surprise, évidemment, des organisateurs de la vente. Les pièces ont été saisies, mais une enquête s'en est suivie. Les propriétaires, qui étaient des propriétaires légitimes, hein, de gens d'horizons divers, qui avaient ces pièces dans leur collection parfois depuis très longtemps, ont pu faire valoir leur bon droit, même si dans un premier temps, ils ont été poursuivis au titre de reseller. Et au final, la justice française a débouté l'État mexicain. D'abord, l'État mexicain faisait valoir une loi de 1827 du pays mexicain, qui ne s'applique pas, bien entendu, en France. Et d'autre part, il n'y avait aucune preuve que ces pièces aient été volées clandestinement dans un musée. Et on touche du doigt, on va sans doute en discuter, cette question de la traçabilité des objets archéologiques qui viennent sur le marché. Cette loi mexicaine n'était pas valable, mais enfin, il y a quand même une convention de l'UNESCO qui date de 1970. La convention de l'UNESCO, donc, qui réglemente en quelque sorte le trafic des objets archéologiques, de manière générale, date de 70, mais il faut déjà rappeler qu'elle n'a été ratifiée par la France qu'en 1997. En clair, ça veut dire que pour un objet dont on a la preuve qu'il circule en Europe et en France en particulier avant cette date, la convention est inopérante. D'autre part, l'éternel problème, j'ai utilisé le mot tout à l'heure, c'est celui des pédigrés des objets. Et souvent, malheureusement, on n'a pas cette origine vraiment précise où on reste dans un flou. Souvent, les vendeurs ou les marchands nous disent, comme par hasard, cet objet est rentré en Europe avant 1970, comme par hasard, avant la convention de l'UNESCO. C'est dommage parce que ce sont du coup des objets sans mémoire. Oui, c'est bien un bel objet dont on ne sait rien. Ça ne reste qu'un bel objet. C'est bien le problème. J'évoquais les deux pièces Taino que nous avons achetées, puisque là, pour le coup, nous avions une histoire. Nous savions exactement de quelle grotte elles provenaient. On a pu remonter par des études d'archives tout cela, et on va même faire des fouilles dans cette grotte. Mais dans 99,9% des cas, les objets proviennent de pillages de sites, sont sortis de leur contexte, ce sont des objets orphelins. Alors, on peut restituer par leur typologie, leur dessin, la culture auquel ils appartiennent. On va pouvoir savoir que c'est plutôt un vase maya de tel ou tel siècle ou de tel ou tel évolution de la culture maya ou aztèque. Mais évidemment, il n'y a plus le contexte. Ce sont des objets sans histoire. Et pour les archéologues que nous sommes, c'est là que commence le premier drame. C'est avant même cette question de vente, c'est l'extraction clandestine par de véritables pillages organisés des sites précolombiens dans toute l'Amérique latine. André Delpech, plus récemment, une vente a fait encore plus de bruit, celle des objets du palais Nadal de Barcelone, qui appartenaient donc à Jean-Paul Barbier-Muller. Alors Jean-Paul Barbier-Muller, donc un riche collectionneur suisse, qui a son propre musée à Genève d'ailleurs, avait effectivement à Barcelone, dans le cadre d'un accord avec la ville de Barcelone, en dépôt, en quelque sorte, sa collection très exceptionnelle d'objets précolombiens. Et donc, à cette occasion, chez Sotheby's, a été mis en vente ce qui a été considéré et qui reste toujours la plus grande vente d'objets précolombiens au monde, puisque, de mémoire, la totalité de la vente était estimée aux alentours de 15 ou 20 millions d'euros. Au final, je crois que seulement pour 11 millions d'euros, si je puis dire, tout est relatif, en gros, la moitié des objets ont été vendus, mais certaines pièces ont atteint des sommes records. Pour ma part, je considère que ces sommes sont même complètement déconnectées de toute réalité marchande. J'ai vu qu'il y avait une céramique de la culture tarasque qui avait par exemple atteint 1,6 million d'euros. Oui, c'est le cas. C'est une céramique. Les tarasques sont un peuple qui vivait au temps des Aztèques, légèrement à l'ouest du Mexique. L'Empire Tarasque est beaucoup moins connu que l'Empire Aztèque. En tout cas, sur un plan du marché de l'art, les tarasques sont un peu persona incognita, enfin, il y a très peu de choses. Et là, soudain, ce canard, alors on l'avait baptisé le canard à l'envol, je dirais que ce canard a fait l'objet d'un beau marketing, si je puis dire. Il était à la couverture du catalogue, il avait une belle apparence d'un objet aussi d'art contemporain, parce que là aussi, on pourrait... Enfin bref, on a su faire... monter un peu la sauce, passez-moi l'expression, de cette pièce, et de manière complètement déconnectée de tout le marché connu jusque-là, cette pièce a atteint la somme miraculeuse de 1,5 million d'euros pour une pièce du 15e siècle, somme toute d'un intérêt certain, mais pas de ce niveau-là en tout cas. La plupart des pays latino-américains revendiquent désormais leur patrimoine dans les salles des ventes. Pourquoi cette offensive généralisée ? Alors c'est un phénomène qu'on peut retrouver partout ailleurs dans le monde et on voit l'actualité aujourd'hui au Moyen-Orient avec les pillages de sites. En Amérique latine, c'est une longue tradition. On pourrait dire qu'elle a même commencé avec la conquête des Amériques. Hein. Les premiers conquistadors ont commencé par piller l'or et les sépultures à la recherche de l'Eldorado et de la richesse. C'est devenu en Amérique latine un véritable commerce avec même des véritables spécialistes. Il y a une expression qui s'est développée. On parle de huaquero. Les huaquero, ce sont ces personnes en Amérique latine, aussi bien au Mexique, au Pérou, en Équateur, en Colombie, souvent à l'origine des paysans, qui sont devenus de véritables spécialistes de l'archéologie et qui vivent en fait de piller les sites, les tombes, et qui leur vendent au marché noir. Oui, mais on a le sentiment que ces gouvernements sud-américains s'attaquent essentiellement aux salles des ventes et non pas aux galeries qui vendent à peu près la même chose. C'est un problème qui est très compliqué parce qu'il aurait déjà à discuter en amont dans les pays même sur le trafic qui parfois est un trafic véritablement organisé. Autant il y a des petits clandestins qui difficiles à contrôler. D'ailleurs, c'est la même chose y compris en France, de contrôler des petits clandestins qui fouillent et détruisent des sites. Mais dans certains cas, on a un pillage organisé qui fait appel à carrément des hélicoptères pour emporter des stèles mayas de plusieurs tonnes. Il y a forcément des complices déjà en amont. On a des cas de figure en pays mayas de choses plus que douteuses sur la complicité de certaines autorités locales. Ensuite, il y a une filière de trafic. On travaille avec l'OCBC, l'Office de répression des biens, pour la lutte contre le trafic des biens culturels. On avait une réunion récemment. On connaît des trafics très organisés qui repartent par l'Amérique latine, les États-Unis et qui arrivent en Europe. Et effectivement, en bout de chaîne, il y a les ventes aux enchères et les galeries. Mais de manière étonnante, mais en même temps, je pense assez tactique, de la part des pays latino-américains, en attaquant les ventes, évidemment, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus médiatique, ça a beaucoup plus d'impact dans l'opinion. C'était le cas avec la vente Barbie Muller, où il y a eu un déferlement d'articles dans la presse autour de cette vente. On a l'impression, à vous écouter, que ce sont les mêmes parcours que la drogue. Plus ou moins. Et on sait d'ailleurs qu'en Amérique latine, un certain nombre de cartels liés à la drogue trafiquent aussi des objets archéologiques. Il y a même quelques anecdotes savoureuses de cocaïne cachée dans des céramiques précolombiennes. Là, pour le coup, on fait d'une pierre deux coups, si je puis dire. On transporte et la drogue et la céramique. Le pillage, les trafics sont-ils actuellement en recrudescence ? C'est difficile à dire, et puis je pense qu'il faut nuancer selon les pays, mais j'ai pu être témoin de pillages très récents en Équateur, l'occasion d'un séjour en Équateur il y a 2 années. Je me trouvais sur la côte pacifique de l'Équateur, dans la région de Valdivia, et là c'était très étonnant, en visitant un petit musée privé, j'ai pas dit qui j'étais évidemment, j'étais avec un collègue archéologue, et on s'est mis à discuter avec le conservateur, entre guillemets, enfin le propriétaire de ce petit musée. Au bout de quelques minutes, il nous proposait à nous vendre des objets. Et au fond de son musée, c'était assez extraordinaire, il y avait des photos des huaqueros, donc ces pilleurs, en pleine action. Et on les voyait tous sourire, pelles et pioches à la main, posés devant des squelettes ou en train de prélever des céramiques devant des sépultures. Alors justement, il s'agit d'un site majeur, Valdivia, témoin d'une des plus grandes et des plus anciennes civilisations le long de la côte pacifique. Oui, Valdivia est connu par les professionnels et même au-delà, même par les amateurs d'art, par ces petites Vénus, qu'on appelle les Vénus de Valdivia, qui sont des petites figurines féminines qui datent d'environ 3000 avant notre ère et qui pendant longtemps, jusqu'à des récentes découvertes en Amazonie, étaient considérées comme les plus anciennes céramiques de toutes les Amériques. Donc ce site de Valdivia est fameux, il a été découvert dans les années 70. Mais pour son plus grand malheur, ces petites Vénus sexy, si je puis dire, font l'objet de tous les trafics et de tous les pillages. Et la région, c'est une véritable hécatombe sur les sites de la région qui sont perforés, passez-moi l'expression, de tous côtés. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. En Italie, on les appelle les tombaroli. En Amérique, les huaqueros. Qui sont-ils exactement ? Leur nom signifie lieu sacré ? En fait, le huaquero vient du mot huaca. Le huaca, dans la langue quechua, donc au Pérou, chez les Incas en particulier, est un lieu sacré. Donc en fait, les huaqueros sont, on pourrait dire, finalement, c'est une sorte de résumé de dire pilleurs de lieux sacrés. Mais par extension, ça s'est répandu dans toute l'Amérique latine. Donc on parle de huaquero aussi bien en République dominicaine, au Mexique, qu'en Argentine. C'est difficile à dire aussi parce que là, on n'a pas vraiment d'études. J'ai eu l'occasion de voir des reportages, notamment en Colombie, qui était une terre de grande huaqueria. On a aussi inventé ce terme. Puisqu'en Colombie en particulier se trouvent de brillantes civilisations qui ont produit des bijoux et en or. Et évidemment, l'or a toujours fasciné depuis tout temps les Européens. Et on voyait des gens très très organisés qui arrivaient sur le terrain des agriculteurs, monnayaient leur intervention et puis sonder. Je pense qu'on pourrait les embaucher comme de très bons archéologues et arriver à trouver des sites. Alors ces gens-là ont souvent une grande connaissance du terrain et c'est un peu comme avec finalement la mafia et les gendarmes. En République dominicaine, avec des collègues hollandais, on a recruté deux anciens waqueros qui sont deux prospecteurs extraordinaires. Ils connaissent le pays comme leur poche et ce sont devenus des bons archéologues. Ils ont compris que, en pillant les sites, évidemment, on détruisait le patrimoine de ces pays. Donc, Waqueros signifierait lieu sacré. Cela voudrait dire que les objets et les sites ont encore une valeur sacrale aux yeux des populations ? Alors oui, absolument. Là, on touche à quelque chose qui, évidemment, est très important et parfois un peu différent de notre vieille Europe, si je puis dire. C'est que dans bon nombre de cas, ces objets sont, évidemment, dans tous les cas, sont les fruits des civilisations précolombiennes, mais il faut bien avoir en mémoire que les peuples amérindiens n'ont pas été anéantis, loin s'en faut, enfin pas tous, et que dans beaucoup de pays, il y a leurs descendants. Et donc, il y a effectivement une dimension sacrée sur ces objets qui pose problème, même si, en général, les problèmes touchent plus aux objets qu'on pourrait qualifier d'ethnographiques, c'est-à-dire collectés auprès des peuples vivants, comme des masques sacrés, des objets servant à des rituels. Mais c'est vrai que les tombes, en particulier, c'est le cas notamment aux États-Unis, avec des mouvements très actifs des communautés autochtones, font l'objet de gros problèmes et de grandes discussions, aussi bien évidemment contre les pilleurs de sites, mais même parfois aussi contre les archéologues. Et ça, c'est un autre sujet, c'est le droit à fouiller que certaines communautés amérindiennes refusent aux archéologues eux-mêmes en considérant qu'ils viennent piller les tombes de leurs ancêtres. On se souvient très bien d'un crâne très très ancien, l'homme de Kennewick, qui a posé énormément de problèmes aux anthropologues et aux communautés amérindiennes. C'est un bon exemple, effectivement. C'est un crâne, juste pour mémoire, qui a été trouvé dans l'état de Washington, qui date d'une dizaine de milliers d'années de mémoire, et qui, dans des premières analyses, ont trouvé que son caractère était peut-être plutôt de type caucasien, c'est-à-dire européen. Et évidemment, les communautés amérindiennes, les natives, comme on dit là-bas, ont contesté ceci, d'abord en disant que c'était encore une histoire de blancs qui essayaient de se réapproprier la terre. Et là, on touche des problèmes sans fin. C'est qui est propriétaire de quoi? Surtout sur des sites anciens. C'est un peu le même problème que quand les États revendiquent certains objets. C'est pareil avec les communautés. On est face à des casse-têtes assez insolubles. Et avec parfois, d'ailleurs, dans les pays latino-américains, un double discours. Il y a le discours des communautés d'un côté et le discours des États qui ne sont pas souvent synchrones. Comment travaillent ces pilleurs, d'ailleurs? Qu'est-ce qu'ils laissent au fond du trou? Qu'est-ce qui ne les intéresse pas? Ce qui intéresse les archéologues? Malheureusement, on pourrait citer des exemples aussi de zones pillées de manière dramatique sur les déserts de la côte ouest du Pérou. Dans ces régions-là, donc le long de la côte pacifique, le climat est tellement sec et la géologie du terrain est tellement exceptionnelle que tout est conservé. C'est là qu'on retrouve ces fameuses momies péruviennes, on trouve des textiles, on trouve même les ponchos de plumes que portaient les précolombiens. Et c'est une catastrophe de se promener sur ces sites-là, c'est lunaire, on est dans le désert, et c'est tous les cratères des waqueros. C'est l'éternel problème de destruction des sites, c'est-à-dire qu'ils ont fait des trous partout, et quand les archéologues passent, ils trouvent que les restes, et en général, évidemment, ils trouvent que ce que les pilleurs ont bien voulu laisser, mais les tombes princières, les parures exceptionnelles, le matériel a disparu, et puis surtout les connexions, le contexte archéologique a été détruit. C'est comme si on pille la Bibliothèque nationale et qu'on déchire tous les livres pour en découper les enluminures, comme je dis souvent. Ils ont des outils particuliers, ils ont un savoir-faire particulier, vous en parliez tout à l'heure. Leurs outils, enfin de ce qu'on connaît, de ce qu'on peut voir sur les rares documents qu'on a, parce que tout ça se passe en général de manière assez évidemment clandestine. C'est l'outil de base de l'archéologue, c'est pelle, pioche, truelle, et on doit leur reconnaître un certain savoir-faire, mais évidemment ils vont très directement là où ça les intéresse. On a un exemple aussi en pays maya, au Guatemala, de collègues français qui fouillent un site important, Nahashtun, où une année où ils sont arrivés sur le site, il y avait des grandes tranchées dans les pyramides. Évidemment, les pilleurs vont directement au cœur des tombes, un peu comme vous évoquiez l'Italie, on allait directement au cœur des tombes étrusques. On laisse tomber le reste, c'est pas important. Ce qu'on veut, c'est de trouver le trésor, ce qui va rapporter de l'argent. Le contexte archéologique, les murs, les poteries, les ossements, etc., ça n'a pas d'intérêt. En 2013, vous faites donc une mission en Équateur, à Valdivia. Dans le petit musée, il y a bien sûr des pièces. On vous propose de les acheter ? Oui. On regardait ces vitrines. Il y avait des objets... Alors, c'était très intéressant. Il y avait des objets vrais. Il y avait aussi des objets faux. On va pouvoir parler sans doute tout à l'heure des faussaires en archéologie. Et puis, très rapidement, le conservateur a ouvert des vitrines. C'était d'ailleurs pas compliqué. Il nous a montré ces petites Vénus de Valdivia et me les proposait entre 80 et 100 dollars. Il faut savoir qu'une pièce comme ça, sur le marché européen ou nord-américain, peut se vendre dans les 2 ou 3 000 euros. Donc, c'est des petites pièces. Elles font quelques centimètres. Donc, vous voyez, la plus-value peut être intéressante. Et donc, c'est évidemment ce qui motive un certain nombre de marchands. Et on connaît, et on travaille étroitement avec la police, quelques galeristes ou quelques personnes qui, de mon point de vue, sont purement et simplement des escrocs et des pilleurs, qui trafiquent consciemment. On a même des gens qui peuvent tranquillement vous dire « Vous êtes intéressé par telle pièce, donnez-moi 6 mois, je vais vous les trouver ». Pour les auditeurs du magazine d'archéologie de France Culture Carbone 14, je rappelle que nous évoquons le pillage archéologique en Amérique latine avec André Delpuech, conservateur du département des Amériques du musée du Quai Branly. Le pédigré est donc un objet capital pour vous? Oui. Cette notion de pédigré est quelque chose que d'ailleurs j'ai découvert moi-même, véritablement en tout cas, en travaillant dans un musée. C'est en fait l'histoire de l'objet, je dirais sa seconde vie. On pourrait dire qu'un objet a une première vie qui est quand il est dans du temps de la société qu'il produit. Et puis ensuite il est abandonné, enterré, mis dans une tombe. Et puis un beau jour des archéologues ou des pilleurs, comme on vient de voir, le déterrent. Et là commence une deuxième vie de l'objet. Et dans le cas des collectionneurs et parfois des musées, cette deuxième vie des objets prend une valeur parfois, je trouve, complètement inconsidérée, où on va juger plus la valeur du collectionneur ou du propriétaire et savoir s'il est fameux ou pas. Et on a quelques cas assez étonnants. C'est notamment le cas d'un petit tesson qui appartenait à Jacques Kerschach. Oui, c'est une histoire qui me paraît révélatrice d'une certaine fascination d'un milieu du marché de l'art. C'est Jacques Kerschach, collectionneur notoirement connu, qui avait une galerie, qui a surtout travaillé évidemment en Afrique. Et ensuite, on connaît la saga, a rencontré Jacques Chirac, qui a fait partie des initiateurs du musée du Quai Branly. Jacques Kerschach avait une collection importante. Et en particulier, il avait une petite pièce, un petit adorno, comme on appelle ça en archéologie, un petit tesson, une petite figurine en céramique qui représentait une tête humaine, la bouche ouverte. Quelque chose de somme toute très banal et qui se rapporte justement à ces cultures de la côte pacifique de l'Équateur voisine de Valdivia. Et il avait baptisé cette figurine le Cri. Dans une exposition, on avait dit qu'elle venait c'était un objet funéraire. Ça, on n'en sait évidemment rien puisqu'on n'a pas le contexte de cet objet. Et il avait dénommé le Cri un peu en référence au célèbre toile de Edvard Munch. Et lors de la vente aux enchères de cet objet, il y avait une photo très très dramatique, une espèce de dramaturgie de la pièce. On voyait ce personnage un peu en train de... comme s'il criait justement, alors qu'on ne sait absolument pas ce qu'il faisait. Il avait la bouche ouverte juste. Et la pièce a atteint 25 ou 30 000 euros, ce qui est complètement déconnecté de la réalité de ce que vaut un pareil adorno. Mais elle a été revendue encore plus cher. Oui, puisque j'ai eu la surprise de la voir dans la vitrine d'une galerie du Parcours des Mondes, 2 ans plus tard, au double du prix, dans les 50 000 euros. Ce qui est pour moi un non-sens. C'est juste du marketing. Hein, dans un cas comme ça, c'est qu'on a un produit, on l'a valorisé, et au bout du compte, il a atteint cette somme, non pas par sa valeur intrinsèque, mais parce qu'il a appartenu à M. Kerschach et qu'on a bâti une belle histoire autour de lui. Alors peut-être plus intéressant, le masque Teotihuacan d'André Breton. Oui, ça c'est un masque sur lequel on peut dire aussi quelque chose, puisqu'il se trouve aujourd'hui dans les collections du musée du Quai Branly et on peut le découvrir au pavillon des sessions au Louvre. Il fait partie des 120 chefs-d'œuvre justement sélectionnés par Jacques Kerschach en 2000 pour l'ouverture du pavillon des sessions, qui était en quelque sorte le prélude du Quai Branly. Ce masque a été acheté lors de la vente de la collection Breton, à la fin des années 90, par le Quai Branly. Et Breton le tenait lui-même de Diego Rivera, le fameux peintre mexicain dont on peut voir un certain nombre d'œuvres aujourd'hui au Grand Palais, lequel Rivera, on le sait, au Mexique, avait une collection de précolombienne. Et donc ce masque qui appartient à la civilisation de Teotihuacan, cette grande cité du nord de Mexico du début de notre ère, voilà, se trouve de manière tout à fait singulière, effectivement, faire partie de ces pièces considérées comme des chefs-d'œuvre, à la limite, non pas en tant que masque représentant la cité de Teotihuacan, mais presque plus parce qu'il a appartenu à Rivera et à Breton. Votre musée préempte-t-il fréquemment ? Alors, nous ne préemptons plus ni n'achetons plus d'objets archéologiques précolombiens en raison justement de cette situation délicate. Pour des raisons déontologiques ? Alors, pour des raisons, soyons honnêtes, pour les raisons, bien entendu, déontologiques, on ne préempte pas des pièces dont on ne connaît pas l'histoire et dont on a toutes les chances de penser qu'elles ont été pillées récemment. On ne peut pas combattre et en même temps participer de ce marché de l'art. Et puis, même dans des cas où, à mon sens, on pourrait acheter des objets quand ils ont un lointain pédigré, à l'exemple des spatules Taino dont je parlais tout à l'heure, publiées en 1899. Donc ça fait belle lurette qu'elles sont sur le marché et qu'on les connaît. Ce sont des chefs-d'œuvre qui peut-être il est intéressant de les avoir dans des collections publiques. Même dans ces cas-là, on n'achète pas. Mais là, c'est aussi dans la dimension politique qui est la nôtre comme établissement public. C'est que dans le même temps, on assure des partenariats avec les pays pour des expositions, pour des coopérations scientifiques. Et donc, ça serait malvenu d'acheter des pièces qu'on pourrait considérer comme être volées. Et puis, il y a aussi, on va peut-être en parler maintenant, le danger d'acheter aussi des faux. Justement, en mars 2011, une belle statue maya est vendue à Paris-Drouot. Une statue de période classique qui ne fut pas revendiquée par le Mexique. Oui, c'est une histoire qui nous a étonnés, puisqu'on est peu de temps après les événements de 2008 qu'on évoquait, et des saisies conservatoires. Il y avait cette grosse vente aussi à Drouot, par l'étude de Binoche et Jiquelo. Et parmi les pièces, une splendide sculpture maya, d'un guerrier assis maya, qui a d'ailleurs atteint la somme record pour un objet précolombien de 2,9 millions d'euros. Et tout le monde a été étonné de l'absence de réaction du côté mexicain, en tout cas. En fait, l'attaque, si je puis dire, ou la contre-attaque, est survenue le lendemain matin, puisqu'en fait, les Mexicains, par un porte-parole de l'Institut National d'Anthropologie et d'Histoire de Mexico, ont déclaré que la plupart des pièces, à commencer par cette grande statue maya, étaient des faux. Donc évidemment, ça a jeté un froid, vous pouvez imaginer, en particulier auprès de l'acheteur qui venait de débourser 3 millions d'euros et qui voit à la une des journaux qu'on lui annonce que sa statue était fausse. Donc ça a fait évidemment un tas d'échos dans la presse et évidemment, c'était je pense le but recherché par cette stratégie, parce que pour moi je considère que c'est une stratégie délibérée, que j'observe, hein, j'ai pas à la commenter. Alors évidemment, la maison de vente aussitôt a contre-attaqué, un certain nombre d'expertises ont été réalisées, qui ont montré qu'a priori cette statue était vraie. Mais là où parfois on voit que les choses sont un peu compliquées et que les gens se prennent un peu les pieds dans le tapis, si je puis dire, c'est que la même pièce avait été exposée à Genève, dans une exposition quelques années antérieurement, dans un catalogue signé des plus grands spécialistes, y compris mexicains, et avec une préface du ministre de la Culture mexicain de l'époque. Et à l'époque, tout le monde trouvait cette pièce remarquable, exceptionnelle et sans problème. Et quelques années plus tard, soudainement, elle devenait fausse. Je crois qu'on voit bien qu'il y avait un enjeu qui dépassait la statue elle-même et qui était un enjeu de stratégie pour lutter contre le marché. En tout cas, sur les 207 objets à vendre, il était dit que 67 étaient faux. Ça fait quand même beaucoup. Oui, alors je pense que dans cette affaire, c'était absolument pas le cas, puisque là aussi, il faut distinguer dans les ventes qui se déroulent actuellement sur la place publique française, et parisienne en particulier, des ventes très sérieuses avec des experts très sérieux, où on peut considérer que l'essentiel du matériel vendu est vrai. Par contre, effectivement, il y a des ventes, y compris aux enchères, avec des objets plus que douteux. On dit même que 90% des objets passant en salle des ventes seraient faux. Il y a aussi des restitutions de vrais objets, et parfois ce fut le cas, par exemple, en septembre 2015. Rapidement, André Delpech. Oui, c'est un cas de figure qui montre aussi qu'on peut arriver à mon avis, un terrain d'entente. On n'éradiquera jamais le pillage. Mais là, dans ce cas présent, c'était un rocher sculpté d'une frise Olmec du Mexique qu'on connaissait par des publications qui a été littéralement découpée à son rocher. Donc, on savait exactement d'où elle venait. Et les marchands le trouvant, ont considéré que c'était invendable. Ils l'ont acheté et restitué aux autorités mexicaines. André Delpech, merci beaucoup. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Romain Lenoir, avec la contribution d'Anne-Catherine Lochard. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page de Carbone 14, sur le site de franceculture.fr, ou retrouver plus de 300 archives de l'émission sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, Carbone 14 se rendra sur le terrain pour découvrir la maison d'un matu-vu du 1er siècle de notre ère.